Dernièrement, j'ai laissé entendre, si on peut dire que mon petit doigt me dit, si on peut dire encore, entre guillemets, de me citer moi-même s'il faut pour assumer ce que j'ai dit, puis entre parenthèses de ça m'est dit intuitivement, comme quoi que ça regarde pas bien. On nous prépare rien de bon. En tout cas, au niveau de l'horizontal. L'horizontal humain, l'horizontal des institutions, l'horizontal des, entre parenthèses, gouvernements, le pluriel qui est entre parenthèses. On nous prépare rien de bon. À un moment donné, il y en a un de ce qu'on pourrait dire l'adversaire, là, ce qui fait face, puis ce qui prépare. Ce qui prépare à rien de bon, ce qui est pas bien intentionné. Il y en avait un de cette gang-là. Il dit, ben, il y a trop de monde, puis on peut pas faire pour synthèse de QI à tout le monde. Donc, c'est pour ça que, entre autres, il s'arrange pour que il y ait un plan, dans le sens de, il y a un décor de jeté, puis il y a un tri qui va se faire. Dans le sens que ce monde-là, ben, c'est des darwinistes sociaux. C'est des darwinistes sociaux, mais c'est aussi des cybernéticiens. Donc, s'ils croient qu'il y a une sélection, ils vont vouloir planter le décor pour qu'il y ait une sélection autorégulée. Ils croient à l'évolution selon des lois mécaniques. Donc, ils font le calcul que si on met un décor pour que, d'une façon autorégulée, il y ait une sélection. En même temps que ça prend deux types de sélection. Faut qu'il y ait une sélection dans le sens que le décor qui est jeté, c'est un test de conscience. Pour qu'il y ait certains qui survivent. Parce qu'ils vont voir. En même temps, ils ont besoin encore, jusqu'à un certain point, de ressources humaines plus ou moins conscientes. Là, c'est une sélection arbitraire, peut-être humaine, plus. Donc, il y a une partie autorégulée, puis une partie qui est gérée un peu selon des besoins. Les besoins de cette partie-là, si on peut dire, de l'humanité. Pas celle qui est nécessairement la plus intelligente, la plus consciente, mais celle qui a accès à de l'information. Parce que le pouvoir, c'est lié à l'information. Donc, au cours du temps, il y a des clics qui ont centralisé l'information. C'est ceux-là qui savent le plus d'affaires, au sens mécanique et intellectuel, qui savent le plus d'affaires, qui mènent. C'est sûr. Quand vous avez l'information, vous pouvez cacher ce que vous voulez. Vous pouvez vous cacher dans l'information. C'est féodal. Ça marche selon Dominus, c'est-à-dire le seigneur, c'est-à-dire une féodalité. Le problème, c'est que dans notre monde, jusqu'à un certain point, c'est une féodalité héréditaire, au sens de des clics, au sens de quelque chose de linéaire, dans le temps. Donc, ce genre d'initié-là, que j'appelle les initiés de la connaissance, parce que la connaissance, c'est l'information. Ben, ces clics-là, c'est pas nécessairement parce que c'est les plus fins puis les plus brillants. Mais ils ont la prétention, ce qu'on appelle l'orgueil, de prétendre savoir qui mérite de vivre ou pas. Quand dans un système où tout est conséquentiel, vous savez qu'en prenant certaines décisions, ça va créer au niveau statistique des changements jusqu'à un certain point, même si vous êtes détaché du résultat, parce que sur des paliers très hauts, décisionnels, il reste que vos décisions ont des conséquences de vie puis de mort sur les masses. On le voit qu'une décision change les statistiques. C'est quoi ça, ces espèces d'ingénieurs-là? La fameuse ingénierie sociale. Ben, c'est un peu eux autres. Jusqu'à un certain point, l'adversaire. C'est un peu. C'est l'adversité, c'est eux autres qui la programment. Donc, c'est eux autres. Jusqu'à un certain point, l'adversaire, si on regarde au-delà des formes, puis. S'il y a différents niveaux de réalité, de plus en plus épais jusqu'à plus en plus subtils, comme par exemple, vous êtes un amas de chair d'os très intelligemment configuré, ce qu'on appelle le corps physique avec un système nerveux. Mais tout ça va jusqu'à du plus subtil, c'est-à-dire vous avez aussi une cervelle. Bon, mais c'est la même affaire pour toutes. C'est-à-dire que ça va ou du plus en plus subtil, puis ça marche pareil au niveau de l'information, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont de l'information à propos de ce qui est plus subtil aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus conscients, qu'ils sont plus fins, qu'ils sont plus intelligents, ça veut dire qu'ils sont plus connaissants. C'est pas pareil. On n'est pas pour rester les yeux fermés sous prétexte qu'on s'en remet. On s'en remet à une sorte de justice subtile. On a une job à faire aussi. Ça a tout le temps été clair, dans le sens que les agissements qu'on a dans la vie déterminent le reste. Dans le sens que vous allez agir selon ce que vous voyez. Il y en a qui agissent selon ce qu'ils savent, mais ils ne voient pas clair. C'est eux autres qui sont dangereux. C'est eux autres qui sont attirés par tous les aspects grégaires dans le sens d'appartenance à des groupes, des affaires de même. Comme là, en ce moment, bon, on va avoir certaines cliques ayant certaines doctrines, puis eux autres sont persuadés que c'est eux autres qui ont les clés du salut, par exemple. C'est comme ça que finalement, il y a des gens comme par exemple qui pourraient se dire chrétiens, puis qui parlent de charité, mais ils agissent d'une façon élitiste un peu. Dans le sens, eux autres qui ont les clés d'eux, puis c'est eux autres qui dispensent ce qu'ils appellent la vérité. Mais l'affaire, c'est que tout ce qui est doctrinal, c'est-à-dire par rapport à tous les aspects que. Fallait que la révélation, ça rentre dans l'intellect, puis comme comprendre intellectuellement certaines choses, c'est impossible, ben, on a voulu compenser par la philosophie théologique, comme la philosophie, ben c'est ça, la théologie, c'est dans le fond, c'est de la philosophie qui essaie de compenser par l'intellect les zones d'ombre. Ça a donné des docteurs puis des doctrines. Mais là, c'est pas à l'accès de tout le monde des affaires, comme je sais-tu moi, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, puis certains qu'on pourrait dire entre guillemets philosophes, des docteurs, des faiseurs de doctrine, c'est pas au niveau d'un discernement, d'avoir le bagage, puis d'être capable de retranscrire dans un contexte autre, parce que là on parle des fois des gens qui remontent à l'Antiquité ou la Renaissance. Bon, ben, il y en a, s'ils n'ont pas accès à ça parce qu'ils n'auront pas la capacité de transposition. Donc, ça devient une sorte d'élitisme. Celui qui est plus simple puis qui n'a pas le temps d'essayer de comprendre tout ça, quoi, il n'est pas sauvé, lui? C'est quoi qui fait, au fond, le réel salut d'un individu? Ce serait injuste puis pas intelligent, qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à une compréhension totale de ce que d'autres ont construit, que ça les garde dans l'ombre puis qu'ils ne seraient pas sauvés. C'est la pureté de l'intention, la bonté d'un individu, la pureté de l'intention, la bonté d'un individu qui font ça, qui font jusqu'à un certain point cette valeur-là qui est à des paliers très très subtils, la réelle valeur d'un être humain. C'est pas sa capacité à lire tout et à comprendre tout. Il y a une différence entre penser savoir puis être quelqu'un de bon. C'est quoi être bon? Ça veut dire quoi? Parce que là, au niveau de l'intellect, quand on décide d'endoctriner, que c'est plus réellement, il y en a, ils évangélisent pas, ils endoctrinent, Ben ça va tout le temps de la connaissance qui se fait passer pour de la charité. Mais il y a une différence entre ce qu'on connaît et ce qu'on sait. Il y a des affaires qu'on sait, c'est là à la base. Puis pour pas les perdre de vue, on a juste à rester pur dans l'intention, puis à rester le plus possible bon, avoir de la bonne volonté, mais de la vraie bonne volonté, pas celle qui pave l'enfer. Ça, c'est le monde de la bonne volonté intellectualisée, qui a plus de spontanéité, qui est figée dans des formes. C'est triste. C'est quoi? Il y aurait donc, finalement, comme dans les sociétés occultes, il y aurait des initiés de la vérité christique. Ça serait une sorte d'élitisme social, ça aussi. Voyons donc. Voyons donc. Ça aboutit à des visions qui ne peuvent pas faire autrement qu'être rendre triste, jusqu'à un certain point, ou même s'il y a une joie infinie de d'autres choses qu'on appelle les joies, qu'on peut dire que certains connaissent par la félicité que peut apporter parfois la spiritualité, il reste que ça va rester polarisé, puis il va toujours avoir de la tristesse quelque part. C'est pas pour rien. L'être humain est polarisé dans son intellect, c'est pour ça qu'il y en a qui vivent des grandes période où ils ont la foi, ils ont beaucoup de foi, ils ont beaucoup de confiance, ils voient clair, ils ont une certaine joie, puis des périodes de doute, des périodes sombres, ils deviennent des sortes de bipolaires. Les maniaco-dépressifs de la spiritualité. Ça, c'est à cause de l'intellect. L'être humain pense trop, dans le sens que il réfléchit ce qu'il perçoit, au lieu de le percevoir clairement de proche. C'est comme si on réfléchit les choses, on a peur, on reste loin, puis on réfléchit tout. On rationalise. Pas besoin. Être conscient, on peut être conscient, peut être quelqu'un de très simple. Et même des simples qui ont une grande conscience, ils ressentent les choses. Il y a une différence entre ressentir puis intellectualiser le ressenti dans le mental. Est-ce qu'on a besoin de tout lire ce qui a été fait? Est-ce qu'on a besoin à tout prix de directeur de conscience tant que ça? C'est l'individu qu'il faut qu'il admette qu'il voit ses imperfections. On se perfectionne par l'étude de nos imperfections. Oui. Oui, c'est subjectif comme mouvement, puis peut-être que oui, ça prend un directeur de conscience pour avoir une vue objective de l'extérieur, plus de l'extérieur, plus objective, mais il a sa propre subjectivité à lui. Bon, on ne peut pas totalement s'en remettre à ça. Quelqu'un que, par exemple, que si on peut dire les circonstances font qu'il n'a pas accès à un directeur de conscience compétent, il fait quoi? Il va être perdu? Des fois, on est mieux tout seul que mal servi. Pendant un bout, ça se magasine, un directeur de conscience, parce que là, ça devient dangereux. Il faut que ce soit une collaboration qui aide, pas quelqu'un qui dit quoi penser. C'est pour ça que les termes sont pas bien beaux. Un directeur de conscience. La conscience n'a rien qu'une direction. Ça part pas. C'est comme, sinon, c'est comme se faire conduire toute notre vie par un chauffeur. Oui, il peut y avoir ça. Mais en parallèle, faut jamais que l'individu mette toute sa foi dans des humains, jamais. Sa relation avec le réel, c'est pas une relation juste avec les autres humains. Ça, c'est à côté, c'est périphérique. Ça va d'abord commencer par lui-même avec ce qu'il vit. Vous êtes tout seul dans votre expérience, il n'y a rien que vous qui êtes à votre place, là. Donc, il faut en prendre pas en laisser. Il faut en prendre pas en laisser, puis de temps en temps revenir jusqu'à un certain point à une capacité centrique de se dire, ben, il y a les autres, puis il y a moi. Bon, faut qu'il y ait une certaine distinction. C'est quoi ce côté lié à l'intelligence sociale? De vouloir se fondre dans des groupes. Ce qui est sauvé, c'est des individus un par un, pas des groupes. On nous l'a expliqué comment ça marchait. dans le sens qu'il n'y a pas besoin de. On ne l'a pas, nous l'a pas expliqué par les livres, mais c'est tout. On est tout à même de le voir à un moment donné. Qu'on le sait dans le fond. On le sait dans le fond. Dans le sens que. On sait pas tout. Mais ce qui n'est pas vrai, puis ce qu'on se met à nous-mêmes, quelque part au fond de nous-mêmes, on le sait. Donc, si quelque part au fond de vous-même, vous le savez que des fois, vous vous mentez à vous-même, ça veut dire qu'à quelque part au fond de vous-même, il y a quelque chose qui ment pas, lui. C'est cette affaire-là qui nous le dit. Qui c'est avoir l'humilité de dire, ben, je suis pas parfait, puis des fois, je me mens à moi-même. J'ai peur, puis je m'en remets à du monde. Il y a une différence entre la spiritualité que certains groupes, certaines communautés, oui, c'est important la communauté, mais votre lien réellement spirituel, c'est-à-dire avec les choses de l'esprit, ça c'est très personnel. L'affaire, c'est pas que c'est pas correct qu'il y ait des groupes, c'est pas ça l'idée, là. Mais faut pas que ça devienne une opacité de la vue, ce qu'on appelle les influences. C'est un peu comme du givre dans vos fenêtres. Du givre dans vos fenêtres. Le feu de l'esprit réchauffe la maison, puis il n'y a plus de givre dans les fenêtres à un moment donné. Mais ça, c'est difficile. Puis c'est pas une question d'instruction. Je parle. C'est même pas une question d'éducation. C'est une question de sincérité. Puis de capacité à lâcher prise ou à des formes qui nous rassurent parce qu'on a peur. C'est sûr qu'on peut craindre certaines choses, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas intégré encore, c'est normal. Parce que l'ennemi est tout le temps tapis dans l'ombre. Ça fait partie de sa nature. À un moment donné, il va falloir se rendre compte que plus on a peur, ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Moins on a confiance, bien, plus moins qu'on voit clair, qu'on a l'impression d'être dans l'ombre, c'est-à-dire entouré par l'ennemi. Il n'y a pas rien que l'ennemi. Sinon, il n'y aurait pas de dynamisme. Il n'y en aurait pas de mouvement, il n'y en aurait pas de force de vie. Au contraire, il faut que ça s'amplifie. Plus ça va aller mal, puis plus il va falloir être capable de faire face, puis de composer avec, puis pas perdre confiance. T'es fidèle, c'est un peu comme la foi. C'est pas la perte de la foi, là. C'est pas parce que ça va mal, puis qu'on n'est pas content, que. Faut perdre les fondamentaux de ce qu'on sait au fond de nous-mêmes, puis qu'on a déjà pris contact avec de temps en temps dans notre vie. Quelqu'un de sensible, il finit par le voir, par le sentir, ça y arrive de temps en temps. C'est juste que, comme c'est pas constant, puis des fois ça fluctue, ben quand ça va mal, faut quand même s'en rappeler, dans le sens, pas dans le sens d'une mémoire qu'on se remémore, mais dans le sens de savoir que ça, on le sait, puis c'est tout le temps présent.